souvenirs. Y'a des larmes, y'a des sourires, c'est vous qui me ferez dire quand je partirai. C'est à vous que je pense lors de mon dernier soupir. Je vous aime, il faut le dire quand je partirai. On peut pas l'éviter, un jour il faudra mourir, mais pour l'instant vaut mieux en rire quand je partirai. Quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai. Destin de l'homme, personne n'y échappera. Un jour ou l'autre je partirai à mon plus grand désarroi. Et ce départ se fera seul, des souvenirs plein les bagages, allongés dans un linceul. Mais mon âme ne sera pas là, déjà envolée vers les cieux. J'espère qu'elle reposera en paix, mais votre bonheur me est précieux. Alors s'il vous plaît, dites-vous tant pis, j'ai pas envie de vous hanter. Que votre vie à vous soit belle et que je reste dans vos mémoires. C'est tout ce que je peux souhaiter. On sait tout ce qu'on partira, mais personne ne sait comment. On sait tout ce qu'on s'en ira, mais personne ne sait. Alors profitons de chaque instant, faisons en sorte de nous aimer, de s'entraider et de profiter. Car à l'heure du bilan, il ne faudra pas regretter. Une vie, on n'en a qu'une, des secondes chances, y'en a aucune. Malheureusement, savourer fait partie de mes lacunes. Je vais essayer de me corriger pour pas qu'on dise une fois plus là que c'est bien fait ce qui viendra de m'arriver. Pour souvenir, y'a des larmes, y'a des sourires, c'est vous qui me ferez dire quand je partirai. C'est à vous que je pense lors de mon dernier soupir. Je vous aime, il faut le dire quand je partirai. On peut pas l'éviter. Un jour il faudra mourir, mais pour l'instant vaut mieux en rire. Quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai. Quand je partirai loin d'ici dans l'au-delà. Tout ce que je sais, c'est que je laisserai derrière moi de superbes souvenirs, des regrets et des remords. Et que je n'oublierai pas ce que j'ai vu pour la dernière fois. Ma famille et mes amis, je voudrais vous dire merci pour tous les bons moments que vous m'avez offerts, pour avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et pour m'avoir soutenu quand dans ma vie j'ai souffert. La fin de toute période n'arrive jamais assez tard. J'ai donc savouré la vie sans prendre de retard. Mais je vous avouerai que parfois dans mon regard on pouvait voir la peur que je m'égare. Heureusement vous étiez là, vous à qui je m'adresse. Vous m'avez montré la voie avec envie, sans maladresse. Et même si je ne suis plus là, c'est un constat que je dresse. C'est vous qui m'avez porté, c'est avec le sourire que je vous laisse. Bon souvenir, y'a des larmes, y'a des sourires, c'est vous qui me ferez dire quand je partirai. C'est à vous que je pense lors de mon dernier soupir. Je vous aime, il faut le dire quand je partirai. On peut pas l'éviter, un jour il faudra mourir, mais pour l'instant vaut mieux en rire quand je partirai. Quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai. La mort est une barrière que personne ne peut franchir. Et peu importe ta carrière, face à elle tu dois réfléchir. Elle est la source de mes angoisses, elle me fait bien réfléchir. J'espère que ça porte pas la poisse d'en parler avant de partir. Y a-t-il une suite ou est-ce la fin? Difficile de le savoir, et tout ça cache une crainte. Est-ce que tu l'entends dans ma voix? Est-ce que tu as la même que moi? Si oui, quand elle est apparue, en attendant je verse une larme et j'en place une à mes regrets. C'est disparu. Qui m'est apparue, je la redoute depuis longtemps. La mort fait peur, l'amour est cru, empêche de passer du bon temps. Et même si toute ma vie j'ai cru qu'un deuil ne dure qu'un instant, maintenant que je sais, maintenant que j'ai vu, j'ai bien fait de profiter de mon temps. Car c'est en montant vers les cieux que tout défile devant nos yeux, et qu'on pense à celles et ceux qui nous ont rendus heureux. Un jour je partirai, le plus tard sera le mieux. Jusque là j'avancerai pour qu'on n'ait pas à me dire adieu. Bon souvenir, y'a des larmes, y'a des sourires, c'est vous qui me ferez dire quand je partirai. C'est à vous que je pense lors de mon dernier soupir. Je vous aime, il faut le dire quand je partirai. On peut pas l'éviter, un jour il faudra mourir, mais pour l'instant vaut mieux en rire quand je partirai. Quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai, quand je partirai.